je fais de vieux au gré de mon appartement qui flotte sur la rue Burdeau. Je regarde passer les filles, mais c'est pas top vue de haut. On se croirait au Mexique avec leur sombrero. Jette un œil en face, il y a la voisine qui peint. Elle me prend pour un rapace, mais le rouge lui va bien. Et je ferme les volets pour cause d'ambiguïté. Car aujourd'hui c'est un fait, on ne s'observe plus travailler. J'enchaîne sur un brainstorming en usant des mots périmés. Et je dépose en bout de ligne les mégots du cendrier. Je mets Rousseau au placard et Thomas Hobbes dans les WC. Je me glousse et je me marre de l'universalité. Quand je marche dans la rue, je regarde en l'air, je traîne le pied. Et quand je croise un réverbère, je lève ce dernier pour pisser. Il suffit pas de mettre du miel si tu veux te faire respecter. Il y a quelques rituels qui font très bien en société. Je déguise les miroirs et du coup mon reflet dedans. Quelle drôle de tête celui de ma voix. Mais c'est lui qui me mate comme un mutant. Alors je regagne mes pénates avec mon lot pour la journée. De sales histoires et d'idées moites qu'il va me falloir essorer. Je me lave de tout soupçon quant à mon associabilité. Avec du savon de Marseille et de l'eau de Cologne du quartier. Je décroche le téléphone car quelqu'un va m'appeler. J'anticipe et je me colle l'oreille sur le combiné. Et c'est bien Miss Amazon mais qui annule son rendez-vous. Celle qui avait flashé sur ma zone mais ça fait plus d'effet du tout. Je finis par lire un bouquin sur les méandres apocalyptiques en tirant des lattes sur un joint pour ajouter en psychotique. Je me bloque dans la couverture d'un fait people aux pages glacées. Je saisis des rondelles en peinture avec le chemin sans fumée. Je déguise les miroirs et du coup mon reflet dedans. Quelle drôle de tête celui de ma voix. Mais c'est lui qui me mate comme un mutant.